Ouais. Dox 974 à la prod, mon pote. ADL. Ça va être chaud. Hornet, Altes, Véridique, section, la roulette. Mon rap est dans la tête, mon son fait mal à la tête. Ton rap est en décès, ouais mais t'attends la défaite. On remplit des salles, attends ta lyricale. Vu ton niveau, moi je ricane, on fait péter l'instrumental. Mon rap est dans la tête, mon son fait mal à la tête. Ton rap est en décès, ouais mais t'attends la défaite. On remplit des salles, attends ta lyricale. Vu ton niveau, moi je ricane, on fait péter l'instrumental. Les putes commencent à tomber dans leur tombeau. Et plan B, les MC ont des fuites, appelle-moi le plombier. Pareil vous bandez sur les boboules de nos pédasses. Gars, t'as choisi la grâce, alors écrase. Moi j'ai mis les gaz. Où va le rap, où vont les thunes, mais qu'est-ce qui se passe. Gars, j'suis trop haut, les MC sont des petites pattes. C'est pour les rôles auto, les mecs qui ont des couilles. C'est pour les gros bloqués dans le ghetto, que les tardés des couilles. Ok ma reste, écoute du rap, mais n'écoute pas du jam. C'est pour les petites soulettes, les petites boulettes qui finissent à la cave. Gars, t'as fait ton taf, t'es à la retraite. Maintenant fais tes bagages et casse-toi, me prends pas la tête. J'kiffe les moments forts, rimes et métaphores. T-O-X, prod, couleur or pour les mecs d'accord. À bas bord, y'a toutes les putes en train de subir. À tribord, c'est ma tribu sur laquelle je tire. Mon rap est dans la tête, mon son fait mal à la tête. Ton rap est en décès, ouais mais t'attends la défaite. On remplit des salles, attends ta lyricale. Vu ton niveau, moi je ricane pour pépéter l'instrumental. Mon rap est dans la tête, mon son fait mal à la tête. Ton rap est en décès, ouais mais t'attends la défaite. On remplit des salles, attends ta lyricale. Moi des anciens j'suis déçu, font pas manger ceux d'en dessous. Moi j'ai une équipe des sous, mais il manque des sous. ADL ça tient debout, pour te baiser pas besoin de coups. Mise à l'argument, je rappe depuis mes 10 ans. Tu rappes mieux que moi ça 10 ans. Une prod percutante, testée depuis quand. Tu m'as bouffé dis-moi quand. Chaud même débutant, d'être froid j'ai pas le temps. Je gratte tes pattes, mat mes fâches, j'tape, j't'écrase, applique mes basses, rap, flow, gangsta, tombe dans l'extra. J'kiffe quand j'rappe tout bas. Introuvable, j'deviens intenable. Je être intestable, en gros, j'suis un battant et non pas un bâtard. Plutôt un battable, trop de incapable. Moi, je fais mes bails, le rap, je veux le grave. Mon rap est dans la tête, mon son fait mal à la tête. Ton rap est en décès, ouais, mais t'attends la défaite. On remplit des salles, attends ta lyricale. Fais ton niveau, moi, j'ricane, on fait péter l'instrumental. Mon rap est dans la tête, mon son fait mal à la tête. Ton rap est en décès, ouais, mais t'attends la défaite. On remplit des salles, attends ta lyricale. Fais ton niveau, moi, j'ricane, on fait péter l'instrumental. Les MC se prostituent pour des centimes. Absentime, ici on tue en tir. En solitaire ouais. Tu veux du rap frère. Sur mes terres, c'est la symphonie du gangster. Bolos, où va le rap passer à la trappe. Tu veux du hit, sors des tricks. Tiens vas-y attrape. Je suis à bout, le rap part en couille. Je me débrouille frère, j'ai la carrière d'un jeune loup. C'est pas le loup dans la bergerie, mais dans l'industrie. Les MC cherchent leur avenir dans un bol de riz. Tu kiffes ma musique et pas ma personnalité. Donc écoute pas ma musique car ma musique est personnalisée. Tout le monde fait du rap comme s'il y a que ça à faire. Moi je rap mec et j'ai rien à perdre. Rien à prendre, rien que ça se branle. Soutenu par ma bande. Du talent, on se la vend pas. Mon rap est dans la tête, mon son fait mal à la tête. Ton rap est en décès, ouais mais t'attends la défaite. On remplit des salles, attends ta lyricale. Vu ton niveau, moi je ricane pour pépéter l'instrumental. Mon rap est dans la tête, mon son fait mal à la tête. Ton rap est en décès, ouais mais t'attends la défaite. On remplit des salles, attends ta lyricale.